Sa se parol seles Bon Dieu pa jam lage peple Se menm jan Li pa jam ka lage pepa isi Fèl konfians E nap jwenn delivrans pa nou Bon Dieu pep Israel la Se menm bon Dieu pep Nation capaise nous l'a choisi parmi nous Yon Moïse yon lot Pharaon même Jean te voyait libéré peuple Israël là en bas Pharaon compte sa li pour le faire Haïti tourne même Jean pèl des Antilles Sa pa tro lwen pou vini Rele bien fort Nan piye bon Dieu Paske n santi n pa kapab ankor Yo ban nou tout chay pote Kom si nou se piti mi sangado Po ten pase yo meprize Saint-Domingue ya brache nou ak manche Trembleman de te inondasyon Cyclone kolera kap fin touye nou Si se peche zanset nou yo jenerasyon sa Même à payer Bon Dieu Abraham nan, Bon Dieu Isaac La gain pitié pour nous T'en prie bon Dieu A béni nous Pour pécher en cette nous yo encore Pour ces bon Dieu Bon Dieu gen compassion pour toute petite li. Alors nous-mêmes peuple haïtien, c'est petite li nous et tout. Devant mon Dieu, pas gen ni ti nation, ni pou nation. Alors, délivre-nous par nous là. Ou même président d'Haïti, cap gouverne sans l'esprit bon Dieu. Si ou pas suivre l'autre Seigneur ou apprend force cette tribulation peuple ça l'aine songer à Salomon qui tape la prière demandait bon Dieu pour te bail bon l'esprit bon comprendre pour le capable diriger peuple ya bon Dieu te répond li Elite bal plis ke sal demande Bon Dieu pa jan lage pepli Fèl konfians pou delivran sa iti Nou son nasyon kou tout nasyon Nap fèn toune kampe sou de pye nou Bon Dieu zan set nou yo Bon Dieu Abraham nan Bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là, gain pitié pour peuple ici. Nous avons longtemps à souffrir, mais qu'on y a à souffrir en bas des comptes. Nous avons mouru à choléra, nous avons grand goût, nous avons misère. Merci pour délivrer ça déjà pour tes bonnes.